Nous allons maintenant faire une méditation pour pacifier Pitta. Nous allons commencer maintenant. Un principe important pour la méditation est de toujours avoir la colonne vertébrale bien placée. Asseyez-vous sur une chaise ou sur un coussin de méditation au sol. Croisez vos jambes pour créer un angle comme un léger S dans votre colonne vertébrale. Les fesses sont bien à plat. Le ventre est détendu. Les épaules sont abaissées. Et le menton légèrement entré vers la poitrine. Posez confortablement les deux mains sur vos cuisses, les paumes vers le ciel. Placez le bout de votre pouce entre le majeur et l'annulaire, tout près de la main. Et appuyez sur la phalange tout près de la main de l'annulaire. Ceci est le mudra de désintoxication. Posez-vous ici et maintenant dans votre position assise, les yeux fermés. Parfaitement détendu et prêt à l'expérience de méditation. Nous allons commencer par un exercice de respiration idéal pour pacifier Pitta. Entrouvrez les lèvres et laissez les dents du haut en contact avec les dents du bas. Inspirez à travers les dents. Et expirez en laissant aller toutes les tensions et les préoccupations comme un soupir de délivrance. Nous allons répéter cette respiration 9 fois. On inspire à travers les dents. Et on expire, on relâche. Une troisième fois. On expire. Je vous laisse poursuivre à votre rythme. Et maintenant, reprenez votre respiration normale, sans effort et naturelle. Maintenant, je vous invite à visualiser la lumière bleue, un ciel sans nuages. Vous êtes entouré d'un beau bleu calme et paisible. Tout doucement, vous prenez conscience de ce bleu. De ce bleu, ce beau ciel bleu, ce ciel clair et sans nuages. Puis vous apercevez devant vous, à travers les arbres, un sentier. Vous vous dirigez vers ce sentier. Vous marchez tout doucement. Vous êtes entouré de verdure. C'est un sentier comme vous les aimez, beau, riche et majestueux. Un endroit noble et calme. Tout doucement, le soleil se couche. Vous sentez que vous vous apaisez. Vous traversez ce sentier à travers la forêt. Et au bout de ce sentier, vous apercevez une magnifique clairière. Vous trouvez un endroit confortable dans cette clairière pour vous asseoir. Cet endroit est parfait. Vous vous sentez très bien. La nuit est tombée. Vous êtes très bien. Vous regardez le ciel, les étoiles et la lune. La lumière de la lune qui vous illumine et qui illumine votre environnement. Assis confortablement dans cet environnement privilégié, vous profitez de ce bain de lune. Vous respirez confortablement dans cette belle énergie apaisante, rafraîchissante et calme. Vous respirez dans cette belle énergie apaisante, rafraîchissante. Nous ne sommes pas séparés de la nature. Nous faisons partie de la vie, de la nature. Nous sommes amour. Nous sommes vie. Il n'y a pas de différence entre nous et ce qui nous entoure. Nous sommes tous amour. Amenez une intention au centre de votre cœur. Nous sommes compassion. Partageons la paix, le bonheur, le détachement, l'acceptation, la confiance, et le pardon. Baignez dans cet espace de calme, de détente et de bien-être. Soyez complètement détaché de toute attente. Baignez dans cet équilibre et offrez votre pratique, votre méditation à des gens qui en ont besoin. Offrez votre méditation la plus pure. Sentez votre cœur s'ouvrir et partagez toutes ces qualités que vous avez en vous. Sentez que vous respirez par votre cœur sans rien forcer, sans rien contrôler. Respirez la compassion. Respirez le partage, la paix, le bonheur, le détachement, l'acceptation, la confiance et le pardon. Tout en laissant votre attention au niveau du cœur, chantons le mantra, la syllabe YAM, sept fois. Expirez. Inspirez par le nez. Prenez une respiration normale et ressentez l'énergie qui circule dans l'ouverture du cœur. Gardez en vous cette sensation de calme, d'ouverture, de compassion et de pardon. Je vous invite à réciter cette syllabe YAM pendant vos moments d'impatience ou de déséquilibre pour ramener à vous cette énergie du cœur, cette partie de vous qui est amour et compassion. Et tout doucement, ramenez votre attention dans votre corps physique. Faites bénéficier chacune de vos cellules de cette belle énergie. Savourez cette expérience et tout doucement, vous pouvez bouger vos orteils, vos pieds, vos doigts, vos mains, votre tête d'un côté à l'autre. Bougez vos épaules, vos bras. Vous pouvez vous étirer et relâcher doucement. Vous pouvez réouvrir les yeux et bénéficier de cette belle énergie dans votre quotidien. Namasté.